dors pour l'éternité. C'est fini. Tu peux croire que ce drame inouï ne fut qu'un cauchemar. Tu n'es plus qu'un tombeau qui promène au hasard, sans nom, dans le noir sans mémoire. C'était un songe, oh oui, tu n'as jamais été. Tout est seul, nul témoin, rien ne voit, rien ne pense. Il n'y a que le noir, le temps et le silence. Dors, tu viens de rêver, dors pour l'éternité. Ô convoi solennel des soleils magnifiques, nouez et dénouez vos vastes masses d'or. Doucement, tristement, sur de graves musiques, menez le deuil très lent de votre sœur qui dort.